que je ne t'aime pas. Bien sûr que la clope c'est pour le style. Bien sûr que je ne pense plus à toi aujourd'hui. Mon âme est comme une pile. Bien sûr que l'alcool me fait oublier. Bien sûr que tes yeux me manqueront. Ok, je brûle comme une feuille de papier. On est d'accord, mon cœur c'est de l'amour noir. Plus jamais la scène this way. La clope est mon idole in this way. Il est vrai que j'en crève. Comment te dire tout ça maintenant? Je donne de la voix, je parle, je crie, je hurle pour te dire toutes mes vérités. Toutes ces filles passées dans mon pieu, vois-tu, j'ai pas vu le blanc de leurs yeux jusqu'ici. Tu étais la seule, c'est pas vieux. Désormais, une autre entre dans le jeu. Toutes ces filles passées dans mon pieu, vois-tu, j'ai pas vu le blanc de leurs yeux jusqu'ici. Tu étais la seule, c'est pas vieux. Désormais, une autre entre dans le jeu. In this way, tu ne seras plus jamais la seule. In this way, la clope est mon idole. In this way, il est vrai j'en crève. Tu ne seras plus jamais la seule in this way. La clope est mon idole in this way. Il est vrai que j'en crève.